tu l'as vu. Quoi, dis-moi. Tu le sens, cette air de joie, tu l'as vu. Non, où ça? Sous les roses, je t'aime et toi. Tu l'as vu. Quoi, dis-moi. Tu y penses, enfin des fois, tu l'as vu. Non, où ça? Dans ton cou, contre le froid. Tu l'as vu. Quoi, dis-moi. Tu le portes. Ça ne se voit pas. Tu l'as vu. Non, où ça? Sous ton pull, il est en toi. Tu l'as vu. Quoi, dis-moi. Le bonhomme, là devant toi, il est notre. Il est nu, il est nous. Et toi et moi, tu l'as vu. Sous les roses, dans un chou. Je l'aime et toi. Il est nu, il est notre. Il est toi, il est moi.